Selon le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple, le syndicat du bâtiment relevant de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a déployé le 6 juillet devant la gare de Séoul et dans divers endroits de la ville la grève générale contre la politique vicieuse du travail de la bande de Park Geun-hye. À la grève générale, on prépare plus de 20 000 ouvriers.